Vous connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Parler de Victor Véro, on sait que Victor a participé à des courses récemment en Europe et ça s'est fait durant mon absence, mais quoi qu'il en soit, ben, on va parler avec Alexandre Gagné pour savoir un peu, parler de sa saison, comment ça va et qu'est-ce qu'on s'attend de Victor. Bon après-midi, Alexandre. Merci, bon après-midi à toi aussi. Merci de communiquer avec moi pour avoir des nouvelles de Victor. C'est très important. Alexandre, si on y allait maintenant avec Victor, je sais que durant mon absence, il est allé en Europe. Comment ça s'est passé dans l'ensemble? Alors, Victor, c'est sa première année junior. C'est de l'expérimentation. On veut aller chercher le maximum d'expérience. On a eu l'occasion, là, par les performances de l'année passée, là, en gagnant le championnat canadien, la Coupe du Québec, puis le championnat québécois, là, d'être invité dans les projets comme ça. Il n'y avait pas de pression, là, même par l'équipe de développement là, national. Là, c'était juste d'aller chercher le maximum d'expérience, vivre c'est quoi un peu le décalage horaire, c'est quoi, comment ça se passe en Europe, vivre les départs à 180, à 150 coureurs en même temps. Là, fait que sont une grosse gang, puis fallait qu'ils vivent ça. Je pense que il est revenu grandi vraiment de ça, puis il a sorti d'excellentes performances. J'ai eu les commentaires de l'entraîneur de l'équipe nationale, là, puis il était plus que satisfait là, du comportement des athlètes canadiens, puis particulièrement celui de Victor. Là. Il a vu un jeune combatif là, qui, à sa première année, là, avait beaucoup de talent, puis tout pour lui. OK. Qu'est-ce que... Comment ça fait qu'il s'est ramassé là, hein? Ben écoute, c'est des projets qui sont offerts aux futurs athlètes là, de pointe là, de cyclistes Canada là, en vélo de montagne. Il était sous le radar des entraîneurs de développement là, qui s'occupent des cadets juniors puis il y a un petit peu des U23 là, fait que par ses performances de l'an passé ça l'a amené à être sélectionné sur ces projets là tout simplement. OK. Comment, suite à ça, qu'est-ce qui va... C'est de l'expérience qu'on est allé chercher, c'est vraiment de compétitionner avec probablement les meilleurs dans d'autres styles de pistes. Qu'est-ce qu'on a à retenir de cette expérience en Europe? Ben, une des grosses affaires, c'est la langue. Ouais. On sait que tout se passe en anglais quasiment. Ça, c'est une barrière qui est déjà moins haute à surmonter pour lui. Je pense que c'est déjà une bonne affaire. C'est de rencontrer l'équipe canadienne qui est entièrement composée de d'autres provinces que le Québec. Donc, c'est les futurs coéquipiers de Victor là, qui, s'ils continuent à progresser comme ça, à compétitionner avec. C'est également de rencontrer les athlètes de niveau, les futurs internationaux qu'on va voir là, sur la scène là, à chaque compétition de la Coupe du Monde là, dans quelques années. Là, ça risque d'être des athlètes que Victor a couru contre eux autres. Donc, c'est beaucoup d'expérience. L'expérience de s'organiser de voyager en avion, de s'organiser ses bagages, d'avoir des équipements, d'avoir des pièces de remplacement, être capable de se préparer. On n'a pas l'entraîneur régulier qui est moi avec lui, en présent. On n'a pas les parents qui sont là. On n'est pas dans un contexte du Québec. Fait que, tu sais, il est plongé vraiment dans Faux sur Lyon, puis, Il y a à s'organiser avec ça puis à fournir une bonne performance avec des athlètes là, de très, très haut niveau. Okay, okay. Je pense qu'il relevait ça. Là, les pistes en Europe, est-ce qu'ils sont différents du Québec et du Canada, les pistes que Victor était compétitionnant? C'est une bonne question. Je pense que la meilleure personne qui pourrait te répondre, c'est ça, c'est Victor. Bien entendu, ça dépend toujours de ce qui est offert aux jeunes, là, puis en fonction du secteur, là, si on prend un peu les Coupes du Monde, là, il y a eu la dernière Coupe du Monde, là, en fin de semaine, justement, à Abstad, en Allemagne, là, on a pu voir que C'était une piste extrêmement exigeante. Là, tous les athlètes de niveau du Canada, de niveau international, ont dit que c'était les pires montées avec des sections ultra techniques. Moi, je pense que ça varie d'un secteur à l'autre. Là. Il y en a qui sont un petit peu plus roulants, d'autres un peu plus axés sur le technique. Mais peu importe, les pistes sont toujours adaptées au niveau de compétition qu'on va recevoir. Donc, en étant des pistes de niveau international, parce que c'était les World Junior Series, donc la série junior mondiale, donc les pistes étaient adaptées pour offrir ce niveau de difficulté-là, c'est-à-dire des grosses montées, des descentes assez techniques. D'ailleurs, Victor, là, c'est pas un jeune qui a froid aux yeux pendant tout, là. Il est capable d'aller faire du downhill, de faire des super gros sauts, puis à quelques moments, il a fallu qu'il arrête puis observe adéquatement les secteurs techniques là, pour te donner une idée comment que c'est abrupt, là. Fait que non, les compétitions, là, les sentiers étaient assez difficiles. OK. Si on parlait de sa saison, à quoi ça s'enligne pour sa saison? Je veux pas mettre trop de pression avec Victor. Okay. Je pense qu'il est capable de s'en mettre lui-même. On voit comment que ça évolue présentement. Nos objectifs commencent un peu plus à se solidifier. On pourrait dire qu'il répond super bien aux entraînements, qu'il a été très, très pas surprenant, mais peut-être on s'attendait pas d'aussi beaux résultats à Tremblant. Là, faire un top 5 là, en Coupe Canada à sa première année. Lui, c'est un jeune qui est dit late, là, parce qu'il est natif en octobre, là, donc il est encore plus jeune dans les premières années. Il est dans des jeunes qui ont un an de plus que lui aussi. Il a fini top 4 à 5 secondes de la troisième place en fin de semaine. Dans le top 5, là, il y a seulement deux premières années, puis Victor fait partie de eux autres. Fait que il est capable de se démarquer avec des jeunes plus vieux là, de presque un an et demi là, avec lui. Là. Donc il est vraiment sur une bonne voie, puis il est vraiment sur une bonne lancée. On visait pas nécessairement les championnats du monde, mais on les avait en tête. Je pense que c'était une belle motivation. Championnats du monde qui vont se passer le 26 juin à Nova Mesto en République tchèque. Le comité de sélection est en train de se pencher sur les résultats des deux premières Coupes Canada, celle de Tremblant qu'on vient de faire, celle de Victoria qui est allée il y a un petit peu plus tôt dans la saison. On va avoir les résultats là-dessus, savoir s'il est sélectionné pour la Coupe du Monde. Sinon, ça ressemble pas mal à faire les Coupes Canada et à viser un bon résultat à travers le Est-ce que tu penses qu'il y a le potentiel pour faire ce que Julien Fillon a fait à Saint-Félicien et même Raphaël Gagné? Ouais, ben, tu sais, comparer, c'est toujours un peu touché, là, parce que c'est deux époques différentes, là, même si ça fait pas si longtemps que ça, puis même si Raphaël est encore là-dessus, t'as toujours des niveaux de compétiteurs qu'on sait pas à quoi s'attendre. Moi, je sais une chose, par exemple, c'est qu'il est motivé. Il a la tête vraiment là-dessus cette année. Il est vraiment concentré. Il fait tout en son possible pour gravir les échelons là, du mieux possible. Je sais que physiologiquement parlant, là, il a vraiment tous les attributs pour aspirer au plus haut sommet. Puis moi, son coach, là, je vais donner tout ce que j'ai également pour l'aider à cheminer vers le haut. On a un entourage solide avec ses parents, pas vite, on va chercher peut-être quelques commandites, c'est ceux qui vont être le plus gros du nerf de la guerre, là. Mais on a vraiment un bel entourage, puis on a une belle chimie régionale qui aide également à la progression. Là. Moi, je pense qu'il y a tous les éléments pour réussir, puis il y a la tête pour réussir, fait qu'il reste rien qu'à voir le chemin. Tu parles de commandites, tu vises comment dans son cas? Bon, on vise comment? Chaque projet, là, c'est quand même assez suspendu. Même quand il est invité par l'équipe canadienne, là, il y en a peut-être qui pensent que l'équipe canadienne nous invite, c'est-à-dire que là, ils vont payer les frais de transport à Victor puis les frais de camp, mais c'est pas ça pour tout. En fait, l'invitation, c'est presque dire bon, t'es invité, mais tu payes. C'est juste le privilège d'avoir le droit de payer le camp. Okay. Un camp d'entraînement ou un camp en Europe comme il a fait. Juste le camp coûte en moyenne 7 à 1 200 $. Okay. Puis on a le transport en avion qu'il faut changer là-dessus. On a les bagages parce que c'est du vélo. Puis ça prend un petit peu de pièces de rechange au cas où qu'il arrive quelque chose. Fait que juste les camps, là, quand ils partent, ils vont faire un voyage à Victoria pour la Coupe Canada pour son circuit canadien, là, c'est presque 3 000 $. Puis cette année, là, des camps comme ça, là, ils vont en faire sûrement proche d'une dizaine. Là, sinon, sans trop m'abuser, là, entre 6 et 7. Je parlais. Parce qu'il y a 6 Coupes Canada. Il est allé déjà en Europe une fois. Il peut être invité. S'il est champion du monde, c'est encore une autre affaire. Mm. Fait qu'on on varie entre 6 et 10 facilement. OK. Donc, moi, je pensais à une année entre 10 et 12 000 $. Mais là, tu es en train de me dire plus 25-30 000 là, quoi, idéalement, pour ce que ça prendrait. Là. Ouais, facilement. Ça paraît d'un gros montant, ouais, là, mais effectivement, okay. Là, juste partir la saison avec le vélo ou les pièces, voilà. Puis juste la Coupe Québec, là, on est à ça, là. Okay. 15 000. Puis, parlons du club Vélo 2 Max Saint-Félicien, une grosse année encore? Ouais. Ben, on n'a pas une tonne de représentants, mais les représentants qui sont là, sont du côté compétitif. Ouais. On a des représentants récréatifs. On a une direction qui est incroyable avec le président là, Martin qui fait des miracles encore, mais côté compétitif, on n'a pas une tonne d'athlètes, sauf que les athlètes performent toujours très bien. Je dirais que les deux plus jeunes qui risquent de monter, c'est vraiment Victor et William. Je pense qu'ils ont tout pour réussir, comme je t'ai dit dans le passé, là, mais Vélo 2 Max est toujours là pour nous supporter, puis de plus en plus, on parlait de budget puis de commandite juste tout à l'heure, puis il y a de l'intérêt par Vélo 2 Max à supporter les athlètes là, pour les aider à monter, là, parce que c'est pendant leur ascension qu'ils ont besoin d'argent. Ouais. Rendu en haut, la visibilité est là. Si on prend, mettons, en perspective Marianne du coin, ben c'est sûr que rendu au sommet, c'est plus facile aller chercher un peu de financement, même si elle en a besoin d'encore autant. Tandis que quand c'est dans les échelons, là, à monter tranquillement. C'est là qu'il y aurait besoin. C'est là qu'on a besoin d'un petit support. Donc, le fait qu'il y ait des Coupes Canada, il y ait des Coupes du Québec à Saint-Félicien, ça n'est pas au recrutement, ça? Tu me dis, on n'a pas une tonne d'athlètes. Oui, on a vraiment augmenté du côté récréatif. On a vraiment augmenté du côté des jeunes depuis les quelques dernières années. Là. C'est moi qui dirige un peu l'école de vélo, le découverte vélo. On a de plus en plus, sauf que la transition découverte et amusement vers le compétitif est plus ou moins là. Est-ce que c'est le goût? Est-ce que c'est moi qui lui prends mal pour les emmener vers la compétition? Je sais pas, je me pose des grosses questions. Moi, je pense qu'on a tout pour offrir une visibilité qui est vraiment intéressante avec, comme tu dis, la Coupe Canada puis la Coupe du Québec, même les championnats canadiens. Mais rendu là, c'est l'intérêt des jeunes, c'est peut-être les coûts reliés à ça. Le Toboski est à côté de la ville, mais pas au centre-ville. Peut-être que l'accessibilité à aller voir les compétitions, c'est différent. Il y a aussi une mentalité un peu de risque que les gens appréhendent un peu avec le vélo de montagne. Mais pourtant, là, les risques en vélo, là, c'est pas une tonne. Tu prends un vélo de route là, qui tombe sur l'asphalte ou qui arrive un pépin, là, les conséquences sont parfois bien plus graves qu'en vélo de montagne. Là. Moi, faut travailler aussi sur cette culture-là, puis leur dire que le compétitif, là, c'est aussi pour avoir du fun. Là. C'est des évaluations formatives pour chacune des athlètes. T'sais, on s'évalue avec d'autres athlètes tout simplement, puis on s'amuse. OK. La prochaine compétition pour Victor, c'est quand? Prochaine compétition d'envergure, ben s'il est sélectionné finalement pour les championnats du monde, ça serait pas mal ça. Sinon, ça va aller aux coupes du Québec là, qui s'en viennent tranquillement pas vite. Là, on a débuté avec Tremblant. On irait aux alentours de Sherbrooke là, à la fin juin, tout dépendant. Et la prochaine Coupe Canada, là, c'est quand même bientôt, là, c'est le 5 juin. Suivra le 12 juin la coupe Canada numéro 4. Les deux vont se passer en Ontario. Ben, on s'en reparle sûrement plusieurs fois durant l'année, Alexandre. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Voilà, donc Alexandre Gagné, qui est l'entraîneur de Victor Vell.